Les éditions de l'Avenir présentent Le progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 1, colonne 5. Conseil de ville. Séance du 10 septembre 1883. Présent, son honneur le maire et les conseillers Woodward, McManamy, Foss et Lee Ford. Sur proposition du conseiller McManamy, le conseil a passé un règlement prohibant la vente en détail de toute espèce de viande ailleurs que dans les étaux des bouchers. Avis à qui de droit? D'après nos lois municipales, le règlement n'entre en vigueur que 15 jours après sa promulgation. Or, il est arrivé que, samedi dernier, la police a voulu empêcher le nommé Perrier de Stockley de vendre à la livre. Ce dernier, fort de son droit et armé de l'avis de ses avocats et aussi de la déclaration à lui faite par le trésorier, a envoyé paître la police. On le mit alors en état d'arrestation, mais, information prise, force fut au sergent Coussur de relâcher sa proie. On dit maintenant que Perrier menace la corporation d'une poursuite en dommages et intérêts pour arrestation illégale. De son côté, le sergent Coussur dit qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres qu'on lui avait donnés. Reste à savoir qui les lui avait donnés. Était-ce le président ou l'un des membres de la commission du marché ou le chef de police? C'est ce que l'avenir nous apprendra.